La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Canoë. La micao, ma micao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Caliban. Mamselle son long me traite de con. Merci Zinedine. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur le 107.fm pour une nouvelle émission des Zados. Voilà, tout le monde va bien? Oui. Oui. Alors, nous avons une invitée aujourd'hui qui peut peut-être se présenter. Bonjour à tous. Je suis Audrey Zwartenbroeks, la directrice de l'IME Claire Matin à Saint-Amé, IME de l'ADAPI 88. Voilà. Eh bien, merci. Alors, avant de commencer les questions de tous les jeunes, il y avait une chanson mystère la dernière fois, c'était... C'était la maîtresse. C'était Justine, oui. Oui, c'était le... Qu'il avait choisi, mais alors je ne pourrais plus du tout vous dire le titre, parce que je ne connaissais pas du tout. Donc, aujourd'hui, il y en a une nouvelle. C'est quoi? Donc, si on pouvait l'écouter, Marion... Il faut dire le numéro de téléphone. Oui, après, on le donnera. Merci, Marion. Heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is a something, right? Cause I've been trying to work it out. Oh, good weed, white wine. I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Oh, nah, nah, what's my name? Oh, nah. Voilà. Merci Marion et Camille. Alors, on peut commencer les questions, moi, Madame Swartenbrook. J'aimerais que ce soit Christopher, parce que c'est bien de commencer par celle-là. Vas-y, Christopher. Qui est ton parcours professionnel? Ah. Alors, tout d'abord, j'étais psychologue, après des études à l'université. Et donc, j'ai travaillé en tant que psychologue dans plusieurs établissements, aussi bien avec des enfants... Qui étaient accompagnés dans une maison d'enfants à caractère social, qu'avec des personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou encore avec des adultes qui avaient une déficience intellectuelle et qui étaient dans un foyer d'accueil spécialisé. Voilà, c'était donc leur lieu de vie. Et ensuite, après plusieurs années dans ce type d'établissement, je me suis rendu compte que pour le bien-être des personnes, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, qui étaient comme ça dans des établissements pendant de longues années, de longs mois, ce qui était important pour leur bien-être, c'était vraiment tout ce qui se passait dans l'établissement. Et que ça soit la psychologue, les personnels accompagnants, la direction de l'établissement, que toutes ces personnes avaient une influence très importante dans la vie de tous les jours de ces enfants ou de ces adultes qui étaient accompagnés. Et c'est ce qui m'a donné envie de reprendre des études pour devenir directrice d'établissement. Donc c'est ce qui s'est passé puisque j'ai repris des études à l'IRTS pour obtenir un diplôme qui s'appelle le CAFDES. Et dès que j'ai obtenu ce diplôme, j'ai pu devenir directrice d'établissement et j'ai travaillé à la DAPI 88 dès la sortie de mes études. Un joli parcours, hein? Non, vous restez sombre. C'est beau. Allez, poursuivez dans vos questions. Ah, Zinedine. Alors, jouez-vous au golf? Comment? Jouez-vous au golf? C'est gon. Est-ce que je joue au golf? Oui. Ah, eh bien, j'avais fait du golf une fois quand j'étais à l'école primaire, mais je loupais constamment l'endroit où il fallait envoyer la balle. Donc, j'avoue que j'ai pas persévéré. Zinedine, tu as déjà joué au golf? Non. Non, c'était comme ça alors. Ok, vas-y Juliana. Quelle est votre date de naissance? Je suis née le 29 juillet 1978. On est presque là. Oui, c'est bientôt. Il faut une note courine, s'il te plaît. Oui, prenez alors, donc, calculez. C'est ceux dimanche. Qui peuvent. 25 ans. 25 ans, ok. 26. Ah, je les ai, c'est sûr. 35. Je les ai aussi. 40. 27. Oui. Oui. 41. Nicolas a trouvé 42. J'ai 40 ans. 40 ans. Je vais avoir 41 ça ans. Ça fait jeune. Non, dans quelques jours, oui, quelques jeune. Semaines. Bien sûr que c'est jeune. Tout dépend de l'âge qu'on a. Hein. Quand on a 14 ans, 40 ans, ça paraît vieux. Mais oui, quand on en a 80, eh ben, ça paraît très jeune. C'est bon? Vas-y, Christophe. Parle bien dans le micro. Non, dans le vas-tu micro. En boîte de nuit? Ah. Pas actuellement. J'y suis allée quand j'étais plus jeune, justement. Mais non. Ok. Oui, Camille, vas-y. Où vous habitez-vous? Alors, j'habite à côté d'Épinal, dans un village qui s'appelle Je sais. Je sais. Oui, je connais ça. Mm-hmm. C'est pas là en plus, c'est près de Taon, là. Voilà, c'est... C'est entre les deux. C'est surtout proche d'Épinal. Effectivement, c'est plus au nord que Remiremont. Steven. Faites-vous du bricolage? Assez rarement. Corinne. Ça m'arrive, mais assez rarement. Hein? Une question qu'on ne comprend pas là. On a la 3. Vas-y Camille, le temps qui révise. Avez-vous des frères et sœurs? J'ai une grande sœur et un grand frère. C'est quoi leur nom? Véronique et Willy. Et leur âge? Je sais même pas si je vais savoir répondre. Ils ont 8 ans et 6 ans de plus que moi. Comme ça m'évite de compter. Voilà. C'est bon, Juliana? Oui. Parle bien dans le micro, Juliana. Faites-vous des repas de famille? Corinne, on ne comprend pas la question. J'aime bien ça, d'ailleurs. Corinne. Ah, Zinedine. Alors, vas-y. Vas-y. Aimez-vous la musique? Est-ce que j'aime la musique? Oui. Un petit peu, mais j'avoue que je peux très facilement m'en passer et que je pense pas tellement à en écouter. Par contre, j'aime bien écouter le chant des oiseaux. Voilà. Et les bruits de la nature. Parle dans le micro, Christopher, s'il te plaît. Ok. Alors, une question. As-tu des enfants? Quels ils ont? Avez-vous? Avez-vous des enfants? Quels ils ont? Alors, j'ai deux enfants qui ont 14 ans et 12 ans. Vas-y, Nicolas, dans le micro. Parle bien dans le micro. Avez-vous un mari? Oui. Oui. Vas-y, Juliana. Avez-vous vos parents? Oui. Ah, Zinedine. Alors, vas-y. Des voisins? Comment? Des voisins? Ah, parle bien dans le micro, Zinedine. Je fais ça des gens. Est-ce que j'ai des voisins? Oui. Oui, parce que j'habite en plus dans un appartement, donc dans un petit immeuble, et donc j'ai des voisins de palier. Voilà. Donc oui, j'ai des voisins tout autour de moi. Oh, vas-y Nicolas. Quel est votre âge? Ah oui, on l'a dit. Oui, ouais. C'est déjà dit ça, oui. Alors c'est quoi mon âge? 40. 40 ans. Correct. Christopher, vas-y. Est-ce que vous courez? Est-ce que je fais du jogging? Oui. Courir pour le faire du sport? Oui. Non, je suis pas très courageuse en termes de sport. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'en faire, mais j'abandonne vite. Oh, Zinedine, vas-y. Faites-vous du ski? Du ski, alors très très peu. Mais je peux en faire, ça peut m'arriver. J'en ai profité en arrivant dans les Vosges parce que dans mon ancienne région, il n'y avait pas de montagne. Corinne. Camille. Vas-y, Camille. Faisiez-vous du tennis? Eh ben non, pas de tennis. C'était comme le golf. J'ai essayé quand j'étais plus jeune et la balle n'allait jamais où j'aurais voulu qu'elle aille. Donc c'est pareil, j'ai vite abandonné. Vas-y, Juliana. Avez-vous un animal de compagnie? Non, j'ai eu un chat avant. Et comment il s'appelait? Léo. Léo. Parce que en latin, ça veut dire lion. Et ça me plaisait bien de penser que mon chat était un petit lion. Mais voilà, il est décédé malheureusement. Et donc, je n'ai plus d'animal de compagnie. Chris Steven, vas-y. Faites-vous des balades? Oui, ça, au moins, je le fais. Voilà, pas de tennis, pas de golf, pas de footing, mais des balades, oui. Oui, et en plus, dans les Vosges, c'est facile d'en faire et de faire de belles balades, donc ça, je le fais volontiers. Vas-y, Juliana. Quel est votre chanteur préféré? Allez, je vais dire Daniel Balavoine. C'est un vieux chanteur, ça, ou pas? C'est un chanteur. C'est surtout un chanteur qui ne chante plus, parce qu'il est décédé dans les années 80. Oui. Mais c'est un chanteur très connu en son temps. Je pense que vous connaissez. Non. Que vous avez si, moi, je connais. Parce qu'on entend encore. Non. Je connais Balavoine. Si je vous dis, qu'est-ce qui pourrait sauver? Ah, il n'y a pas de suite. Non, bah, il faudra leur faire écouter, non. Alors. Je pourrais sauver des... Non, pas cela. SOS intérieur en détresse. Non, pas celle-là. Si, Moi, je connais pas, moi. Bon, bah alors. Casé, ça. Marion, tu connais? Oh oui. Ah. Après, oh, Corinne, je peux redire une question. Les personnes qui ont 40 ans connaissent Daniel Balavoine, en tout cas. Corinne? Oui. Faut qu'elle la mette, tu mets les chansons là. Comment? Peut-être qu'elle fera partie de votre programme musical une autre fois. On apprendra à mettre des musiques de jeunes. Tiens, j'ai un extrait de Balavoine si vous voulez. Ah, bah vas-y, Marion. Voilà. Voilà qui est Daniel Balavoine. J'espère que tu as mis une connue, Mario. Ah oui. Alors, ça vous dit quelque chose? Oui, moi, ça me dit quelque chose. Ah, oui. Ah, elle est bien celle-là, moi j'aime bien. Voilà, c'est les plus vieux de la presse. Comme toi, Corinne. Pourquoi elle est dégueu? Merci Mario. Corinne, j'avais ma question. Alors, vas-y Juliana. Aimez-vous revenir à l'IME? Est-ce que j'aime venir à l'IME? Oui, j'aime venir à l'IME, même si les derniers temps, j'y suis quand même beaucoup moins souvent. Mais... Bah oui, c'est une satisfaction pour moi de pouvoir venir à l'IME et de venir travailler avec vous et avec l'ensemble des personnes qui sont quotidiennement à l'IME, parce que je pense qu'on fait des choses, de belles choses, des choses très intéressantes. Mais et que c'est une chance de pouvoir accompagner, voilà, de vous accompagner, d'accompagner des jeunes comme vous au quotidien. Donc ça complète la question de chez Fulquel. Aimez-vous votre travail? Quelque part, non? Vous êtes déjà la suivante, là. Vous répondez pas à ça. Vas-y, Zinedine. Mais j'ai pas entendu changer de travail. Est-ce que j'aimerais changer de travail? C'est ça la question. Non, pas aujourd'hui. Après, c'est fort possible que je change de travail de nouveau un jour, parce que même si j'ai déjà 40 ans, je suis quand même encore jeune par rapport à l'âge pendant lequel on peut travailler. Mais à l'heure actuelle, c'est pas du tout mon souhait de changer de travail. Voilà, bien. Vas-y, Christophe. Fais-tu du shopping? Du shopping? Faites-vous du shopping? Faites-vous du shopping? J'aime autant faire du shopping que du tennis. Donc voilà, j'y vais par obligation. Il y a une autre personne qui avait dit la même chose que Mme Sartenbrouck. Non, pas moi. Qui a dit qu'elle n'aimait pas faire du shopping? Justine. Voilà, Justine, c'est pareil, c'est une obligation. Corinne. Vas-y. Attends. Quel est votre métier? Quel est mon métier? Ah, mais ça, vous connaissez la réponse. Quel est le métier? Directrice adjointe. Non, pas adjointe. J'étais adjointe, c'est vrai, quand j'ai commencé, il y a quelques années. Maintenant, je suis directrice depuis janvier 2018. Confine, il y en a encore une. Camille. Allez-vous au zoo? Alors, ça, je suis déjà allée au zoo, effectivement, et j'ai emmené mes enfants au zoo d'Amnéville il y a quelques années. S'il vous plaît, tout sort. On est poli. Les deux, celles-là, ça me semble. Sauf, tu peux écouter. Après, j'aime bien aussi l'idée que les animaux restent dans leur habitat naturel. Donc, voilà. Aller au zoo, c'est intéressant, mais j'aime encore bien. Simplement regarder les animaux qui sont déjà autour de moi quand j'en croise. Il y a quelqu'un qui aimerait bien aller au zoo. À Lyon. Il n'est jamais allé au zoo. Je t'emmènerai un jour. Je viendrai te chercher avec mon vélo. Vas-y, Christopher. Quelle est votre marque préférée de voiture? Je n'ai pas de marque préférée de voiture. Moi, ce que j'aime, c'est être... à l'aise quand je conduis, me sentir bien dans le véhicule, me sentir en sécurité, mais je ne peux pas dire que ça répond à une marque en particulier. Bah, tu me jettes tes questions, Christophe. Mais finis-moi. Alors, tu n'as pas demandé si Mme Swartenbrook regardait la Coupe du Monde. Mais que j'entends de la Coupe du Monde? La Coupe du Monde de quoi? Il y en a plein des Coupes du Monde, coupe, non? La Coupe du Monde féminine. Ah, la Coupe du Monde dans ce moment. Oui. Non, je ne regarde pas la Coupe du Monde, mais je la vois quand même un petit peu parce que mon mari la regarde. C'est d'un crier. Il y en a d'autres là qui regardent. Moi. Qui sont fatigués la journée. Bah oui, voilà. Eh, vendredi, elle fout du vendredi. Hein. Ouais. Mais je sais quand même que l'équipe de France, pour l'instant, s'en sort bien. Corinne, ça a changé. Et donc ça m'intéresse, même si je ne regarde pas. Ça, vu que maintenant, c'est pour les mineurs, les garçons en France. Oui, c'est les autres. Oui, c'est les moins de 20 ans qui font leur tournoi. C'est les adultes, maintenant. Corinne, je peux dire une question? Bappé, on l'a cru, là. C'est bien. Corinne, je peux dire une question? Avez-vous déjà eu un procès? Eu un procès, non. Non, rien. Tant mieux. Ah, t'as déjà eu une amende? Non. Un PV ou un procès? Un PV, bah, oui, ça, bah, ça m'est arrivé. Procès, toi. Ah, c'est mal garé. Non, non, ça m'est arrivé d'avoir des PV, là. C'est vrai. Oui, laisse-moi ça. Parce que c'est garé, c'est un handicapé. Non, non, non, non, non, mais... Mal garé? C'était pour, je pense, parce que j'avais été un petit peu trop vite à certains endroits. Voilà. Zinedine, tu avais encore... J'ai une question. Ah, deux questions, Zinedine. Non, il y en a encore là. Tout la bande là. Oui, mais vas-y, va. Non. Aide-le. Jouez-vous au foot? Oh, les jeux feux? Oh là là, le foot, que dire? Encore pire que le tennis et le golf, vous imaginez? Pas marqué. Voilà, moi j'ai pris les ballons dans la tête, mais ça s'arrêtait là. Elle va avoir des lunettes qui cassent des lunettes. Voilà. Donc j'ai eu mal, puis j'ai arrêté encore plus vite que le reste. Plein de questions. Allez-y, continuez. Vas-y, plein de questions en tête. Vas-y un peu, Nicolas. Et t'attends que nous, on a fini. Parle dans le micro, Nicolas. Merci. Avez-vous votre grand-parent? Vos parents. Grands-parents. Grands-parents. Mes grands-parents. Non, ils sont tous décédés. Voilà, donc j'ai connu trois de mes grands-parents sur les quatre, puisque une de mes grand-mères était décédée avant ma naissance. Mais voilà, ça fait déjà longtemps. Qui ne sont plus là. Vas-y, Juliana. Quelle est votre équipe préférée au foot? Au foot, mon équipe préférée? Bah, j'en ai pas, parce que papi, je suis pas... Ah, Corinne, moi j'en ai deux. Moi, c'est la France et Paris Saint-Germain. Oui, mais tu peux peut-être attendre la réponse de Madame Zartebourg. En tout cas, voilà, je n'ai pas d'équipe préférée en foot. Même si je soutiens l'équipe de France, bien entendu. T'as pas le droit de parler. Hein. Oh. Corinne. Camille. Fais-tu des gâteaux? Oui. Oui, je refais des gâteaux parce que quand j'étais plus jeune, je devais manger moi-même les gâteaux que je faisais parce que manifestement, ils plaisaient à personne chez moi. Je devais vraiment pas bien m'en sortir. J'ai recommencé plus récemment et ça a un peu plus de succès, donc ça m'encourage à continuer. Bien, hein, maman qui fait les gâteaux. Oui, Zinedine, vas-y. Avez-vous déjà eu un accident? Ça me fait déjà rire. Avant de poser la question. Est-ce que j'ai déjà eu un accident? Oui. Là, une fois, en sortant d'un parking, j'ai pas bien vu, derrière moi, il y avait quelqu'un et... Paf. Oh, quelqu'un. Ah non, c'était pas une personne, c'était une voiture. Pardon. Non, non, heureusement, j'ai pas renversé quelqu'un. Non, j'ai juste, je pense, cassé le rétroviseur. Ou... Voilà. Et oui, et oui. Ça coûte ça, un rétroviseur. Alors, bien sûr, on a fait un constat et tout ça, l'assurance a pris en charge. Non, ou j'ai dû payer d'ailleurs parce que j'étais responsable. Oui, c'est pour ça qu'on a assuré, Zinedine. 3 000 euros. Voilà. Donc, faut toujours faire attention, même quand on, voilà, même quand on fait des choses tous les jours, il y a toujours un risque. Donc, faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Avez-vous un baby-foot? Avez-vous? Non, je n'ai pas de baby-foot. Et je suis aussi fâchée avec les baby-foot qu'avec les raquettes de tennis. Parce que à chaque fois qu'il y a une balle avec moi, ça se passe très mal. Donc le baby-foot non plus, j'en fais pas. Je déteste le baby. Vas-y, Juliana. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur votre temps libre? Alors, je fais beaucoup de choses. Mais en premier lieu, je passe du temps avec ma famille. Voilà, c'est surtout ça. Après, j'aime bien lire aussi. J'en ai encore une. Moi, encore une. Vas-y, vas-y, Zinedine. Allez, vous, chez le coiffeur. Les copies. Est-ce que je vais chez le coiffeur? Pendant une période, j'avais les cheveux longs et j'y allais rarement. Voilà. J'avais les cheveux longs avant. C'est ça. Avant, j'avais les cheveux longs. Maintenant, j'ai les cheveux courts. Alors, j'y vais un peu plus souvent. Parce que quand on a une coupe courte, il faut aller chez le coiffeur un petit peu plus souvent que quand on a les cheveux longs. Corinne. Ça va, Zinedine? Tu es satisfaite? Attends. Est-ce que tu es satisfaite? Oui. Vas-y, Juliana. Croyez-vous en Dieu? Alors, j'ai longtemps cru en Dieu. Et puis, il y a quelques années, j'ai pensé que peut-être, en fin de compte, c'était pas un ou plusieurs dieux qui avaient créé les hommes, mais peut-être le contraire, que les hommes avaient créé les dieux. Alors voilà, aujourd'hui, je dirais que non, je ne crois pas en Dieu, mais en tous les cas, je sais qu'on peut aussi bien croire que ne pas croire. Les deux sont possibles, moi j'ai connu les deux. Ah, Zinedine, tu peux l'aider, Juliana? Faites-vous du yoga. Yoga. Du yoga, bah ça aussi j'ai essayé. J'ai essayé plein de choses en fin de compte. Le yoga. Mais j'y allais sur le temps de midi dans un ancien travail que je faisais et j'avais invariablement envie de dormir. Voilà, donc j'ai laissé tomber. Et du yoga et du baby en même temps serait cool. Yoga baby. Ah là, ça je veux bien une démonstration, ça m'intéresse, mais ça me paraît compliqué. Vas-y, dis-moi, un truc de faire en même temps. Vas-y, Christophe. Est-ce que t'as une moto? Est-ce que j'ai une moto? Non, je n'ai pas de moto. Mais j'ai fait de la moto une fois, je crois que je devais avoir 6 ans. Donc j'étais accrochée derrière quelqu'un et j'ai eu très peur. Donc je n'ai jamais recommencé. Et j'ai dit... Vas-y, Camille. Allez-vous à la piscine? La piscine, ah oui, je suis un peu moins fâchée avec la piscine qu'avec les jeux de ballon. Mais en ce moment, j'y vais pas. Mais il y a eu une période, j'y allais assez régulièrement. Elle est encore fâchée à la piscine. Donc... Et mais je l'ai dit, Corinne. Ah bah écoute, j'ai pas fait attention. Alors. Faites-vous des repas de famille? Oui. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas bien entendu, bah voilà, il doit y en avoir. Oui, je fais des repas de famille. Ah, Zinedine, alors, il n'a pas fini. Faites-vous du jardin? Il y a un jardin. Est-ce que je fais du jardin? Oui. Alors, avant, j'avais une maison, j'avais un petit jardin. Oui, je faisais un peu de jardin. Maintenant, je suis en appartement, donc j'ai dans le projet d'avoir des pots avec des plantes dedans, mais pour l'instant, c'est resté à l'état de projet. Nicolas, vas-y. Habitez-vous dans... immeuble. Est-ce que j'habite dans un immeuble? Non, aussi. Oui. Voilà. Okay. Il y en a qui ont suivi, c'est moi, bien. Maman. Oui, vas-y. Est-ce que tu collectionnes des voitures de luxe? Même pas en majorette, les petites voitures. Non, je ne collectionne pas les voitures. Même pas des petites voitures de luxe? Non. Non. Oh, Nicolas, vas-y. Jouez-vous à la pétanque? Elle est aussi face à la boule de pétanque. Oh, c'est vrai que je m'en sors un peu mieux quand même à la pétanque, même s'il y a des boules. Mais non, j'y joue rarement. Pose ton stylo. Tu pars. Ça fait trop de bruit. Merci, Nicolas. Vas-y, je poursuis. Excusez-moi. Oh. Regardez-vous la Coupe du Monde de France foot? Bah, j'ai répondu tout à l'heure. Vous vous souvenez de ma réponse? Oui. Non, votre mari en parle. Voilà. Regarde. Je vois quelques images et je suis quand même. Ça m'intéresse, mais je prends pas le temps de regarder les matchs. Ah, moi, je crie quand il marque un but. Mais... Il crie pas aussi, ton mari? C'est des crées, moi. Ah, des fois. Ça lui arrive. Votre mari. Camille, vas-y. Oui, c'est crée, moi. Vous vous maquillez? Alors, bah, je pense que vous le savez. Oui. Non. Oui, non. Oui. Vous pas de fond de teint. Oui, non. Oui. Ah, oui. Ah bah c'est ni oui ni non, c'est un peu les deux. Non. Des jours oui, des jours non. Pour se faire un dîner. Ça se résume au fond de teint, Christophe. Putain. Tu fais Kiki? Vas-y, Nicolas. Et t'es déjà vous allé à l'hôpital? Oui, je suis déjà allé à l'hôpital. Pourquoi? Parce que t'as reçu une bague du ping-pong. Là, vous venez curieux. Je suis rarement allée à l'hôpital pour des soins pour moi-même. J'ai pu aller à l'hôpital voir d'autres personnes. Mais je dirais que les deux passages les plus importants pour moi, c'était surtout les passages à la maternité. Vous savez ce que ça veut dire ? Enfant. Voilà, c'était pour la naissance de mes deux enfants. Alors ensuite, qui c'est qui reste ? Camille. Nicolas. Quoi ? Et Camille. Toujours dans le jeu. Lequel va gagner ? On commence par Camille. C'est la fille. Ah, c'est la fille. Vas-y, Camille. Allez-vous à la patinoire ? La patinoire. Bon. Pour les souvenirs. Pour être honnête, tout ce qui est sport, c'est vraiment pas trop mon truc. Donc même la patinoire. Quand j'étais beaucoup plus petite, j'avais essayé le patin à roulettes. Vous n'en avez peut-être même jamais vu des patins à roulettes. Si, c'est avec quatre roues, mais pas les unes derrière les autres. Hein. Côte à côte devant et côte à côte derrière. Et ça se passait pas très bien. Et la patinoire, eh ben, ça se passait pas très bien non plus. Hein. Donc j'en ai fait un petit peu, mais bon. Moi, la dernière fois que j'avais fait le patin à roulettes, c'est quand on était avec ma sœur. J'étais obligée de me tenir à elle, je tombais partout. Hein. Jamais pu gérer. Mais par contre, j'admire tous ceux qui savent voilà, faire de belles choses sur des patins. Mais voilà. Non, bah, j'en fais pas partie. Nicolas, vas-y. Oh. Faites-vous des voyages ? Des voyages essentiellement en France. Donc moi j'aime bien découvrir des régions que je connais pas parce que j'ai très très peu voyagé quand j'étais jeune, donc je voyage un petit peu plus maintenant. Voilà. Mm-hmm. Okay, qui t'as entendu ? Camille. Quoi ? Elle a fini. Alors moi j'ai retrouvé des questions là, alors, je sais pas, je devais pas écouter, hein, j'en sais rien, mais alors, on dira. Avez-vous un animal de compagnie ? Ah oui. Tout le monde sait si j'ai répondu. Hein. Un chat, mais il est mort. Voilà. Avez-vous une parabole ? Oui. Ça, on m'a pas demandé. Ah, c'est Nicolas, ça. Nicolas. Une parabole. Est-ce que j'ai une parabole ? Non. Pas de parabole. Eh, ça pas la télé. Ah si, j'ai la télé. T'as bloqué Internet ? Mais sûrement, ça doit être ça. C'est orange. On fait pas de pub, Nicolas. Oui, on fait pas de pub à la radio. En tout cas, j'ai la télé. Et puis la dernière, c'était Christopher. Êtes-vous allé à la fête de la musique ? T'avais demandé ? Non. Non, ben voilà. Qui l'avait demandé ? Non, j'ai pas demandé. Quand j'ai demandé de la fête de la musique ? Si, t'avais pas demandé. Non, mais pas aujourd'hui, mais vendredi, tu l'avais demandé. Ah, ce matin. Pose ta question. Es-tu allé à la fête de la musique ? Non, je suis pas allée à la fête de la musique. J'y vais assez rarement. Ça m'arrive, mais assez rarement. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions des jeunes. Alors, avant d'entamer la partie professionnelle, il y a une pause, Marion. Ah, ma musique. Avec la chanson, je sais pas qui. Steven. Magic System de retour avec toi. Après la pluie, le beau temps. Sous-titrage Société Radio-Canada. de Siablé. On y va ensemble, tout le monde. Ama Siablé. Eh, hey. Amiga Siablé. Voilà. Ama Siablé. C'est ça. Amiga Siablé. Encore. Ama Siablé. Faut danser. Amiga Siablé. Ama Siablé. Voilà. Amiga Siablé. Camille, Marion. Alors nous dégustons pour les jeunes un petit verre d'eau. Oui. Ça fait du bien. Hein. Oui. Ah ouais, c'est bon, ça. Oui. Ici, ça me donne de visage. Oui. C'est bon. Alors là, je vais poser des questions à Madame Swartenbrooks. C'est la partie. Physique. Professionnelle. Professionnelle. Professionnelle, bien. Donc vous ouvrez grand vos oreilles. Hein, puis vous ne faites pas de bruit pour les personnes qui écoutent, elles entendent bien, d'accord? Merci. Alors, on commence, Madame Sophie. Oui. Alors, la première, qu'est-ce qui vous plaît et moins dans votre travail? Qu'est-ce qui me plaît ou qui me plaît moins dans mon travail? Oui. Ce qui me plaît énormément, c'est que c'est un travail très très varié. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Et que on travaille sur des projets que je trouve tous plus passionnants les uns que les autres. Donc on fait des choses vraiment, je pense, utiles et intéressantes, et on les fait collectivement. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup de faire des choses à plusieurs dans un objectif que j'espère bénéfique, utile, aux jeunes. En particulier, donc à vous en particulier, mais finalement tout le monde en profite. Ce qui me plaît moins, c'est le fait qu'il y a énormément de travail, énormément de choses à faire. Donc ça veut dire que souvent, c'est difficile de faire avancer les projets aussi vite qu'on le voudrait, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et que les journées, elles ont une certaine durée. Les semaines ne sont pas assez longues. Merci. Donc il faut faire très attention à comment on utilise son temps tous les jours dans mon travail. Donc vous avez bien entendu. Oui. Eh bien allez. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Swartenbrooks? Les projets. Oui. Enlève ta bouteille, Sophia, merci. Elle a dit qu'elle aime bien parce qu'elle fait aussi, elle fait des projets. Bien, Juliana. Et moins? Et moi, moins. Qu'on va dans le bureau. Qu'est-ce que j'aime moins? Moi. Je sais pas. Les enfants malheureux. Tu dis quoi? Les enfants malheureux. Tu aimes moins les. Elle aime peut-être moins. Ce que tu dis. Elle dit les enfants malheureux. Ah, sûrement. Sûrement. Mais dans mon travail, ce que j'aime le moins, c'est le fait qu'il y a tellement de choses à faire que je peux pas faire mon travail aussi vite que je le voudrais. Voilà. Manque de temps. Comme Joséphine. Ah, c'est ça, voilà. J'aimerais bien avoir l'option Joséphine. C'est bien, vous avez compris. Alors, la deuxième question. À moins que vous vouliez ajouter autre chose. Non. Non. La deuxième question, c'est quelles sont vos préoccupations premières dans vos fonctions en tant que directrice d'établissement? C'est le bien-être des jeunes qu'on accompagne et le bien-être des professionnels. Voilà, c'est ça les deux premières préoccupations. Alors quand je dis le bien-être, notre mission, c'est pas notre mission dans l'IME, ce n'est pas le bien-être des jeunes. Notre mission, c'est que les jeunes grandissent bien, qu'ils deviennent le plus autonomes possible, parce qu'à la sortie de l'IME, ils sont adultes. Donc notre mission, c'est de préparer les jeunes à devenir des adultes qui sont à l'aise dans leur vie d'adulte. Mais au quotidien, ce qui m'importe, c'est le bien-être des enfants et des salariés. Parce que pour que les enfants aillent bien, c'est important que les salariés soient bien. Et Et le pour un directeur d'établissement, il y a les deux qui comptent beaucoup. C'est beau, vous avez entendu ? Oui. Alors Zinedine, qu'est-ce que Madame Swartenbrooks vient de dire ? Ah oui, je crois que tu n'as pas trop écouté. Christopher. Oui, Christopher. Il y a un peu de ça, oui. Après, le reste, j'ai pas trop écouté. Et Nicolas. Non, mais il y a deux pas qui sont à l'aise, là. Je peux compléter ce qui me préoccupe le plus, donc ce qui est le plus important pour moi dans mon travail, c'est que les jeunes aillent bien, que vous alliez bien, et que les salariés, les adultes qui vous accompagnent, les professionnels, aillent bien. Ça, c'est ce qui me préoccupe le plus. Par contre, ce n'est pas ce qui utilise le plus mon temps. Parce que, voilà, j'ai encore une fois, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de tâches diverses et variées à accomplir. Donc, tous les jours, je passe beaucoup de temps sur ces différentes tâches. Et je ne passe pas forcément beaucoup de temps avec les jeunes ou avec les salariés à discuter, à voir ce que vous faites, etc. Mais pour autant, c'est quand même ça qui me préoccupe le plus dans mon travail, dans ma mission. Après, même si vous êtes très occupé dans votre bureau et même à l'extérieur et tout, vous avez quand même une équipe auprès de vous qui peut vous dire ce qui se passe et tout. Vous avez quand même, heureusement. Heureusement. C'est important. Voilà. Voilà, donc c'est bon là pour cette question. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose, vous ? Non. Vous avez tout compris ? Oui. C'est parfait. Alors, la troisième question, c'était : que pourrait-on apporter de plus dans la prise en charge des usagers ? Alors, aujourd'hui, et je crois que vous avez une question à ce sujet, ce qu'on nous demande au niveau des établissements, c'est d'essayer de faire en sorte que les jeunes qui sont accompagnés chez nous dans ce qu'on appelle le secteur spécialisé, le milieu spécialisé, soient accompagnés par notre secteur spécialisé, mais pas seulement, qui continuent aussi à être accompagnés et à vivre des moments et des temps avec, dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, c'est-à-dire par exemple une école classique ou un centre de formation classique, qui continue à côtoyer les jeunes qui, eux, n'ont pas forcément besoin d'accompagnement spécialisé, donc on dira médico-social. C'est ça aujourd'hui ce qu'on nous demande de faire. Et c'est assez différent de ce qu'on faisait avant. Donc je me dis que, en plus, comme par rapport aux différentes expériences qu'on a faites à ce niveau-là, c'est plutôt positif. Je me dis, peut-être bien que ce qu'on peut faire de plus demain par rapport aux jeunes, c'est effectivement leur permettre de garder le maximum de contacts avec le milieu ordinaire, les jeunes de leur âge, les écoles, les centres de formation ou autres, les centres de loisirs, etc., qui peuvent et qui s'intéressent aussi, je crois, aujourd'hui de plus en plus à pouvoir eux-mêmes être des accompagnateurs, partenaires, voilà, pour les jeunes qui sont accompagnés à l'IME. Vous rappelez, on en a déjà parlé de ça, du milieu ordinaire et le milieu spécialisé. Vous êtes dans quel À l'IME. Non, L'IME, est-ce que c'est le milieu ordinaire ou le milieu spécialisé ? Spécialisé. Bien. Et le milieu ordinaire dont parlait Madame Swartenbrooks, vous pouvez me donner un exemple ? L'école normale. À quel moment dans la semaine vous vous retrouvez dans le milieu ordinaire ? Quand on va au récré. Collège. Bien. De quoi vous ? Puis il y a d'autres choses peut-être aussi, non ? On a activité de collège. Oui, quand on va en sport. Les inclusions, oui, ça en fait partie. Quand on va en récré avec les autres. Et pour ceux, par exemple, qui vont aux érables, là. Qui vont travailler. Au restaurant. Oui. Non, c'est pas le milieu ordinaire, là. Si. Vous êtes accompagnés, mais vous êtes quand même... vous travaillez dans le restaurant. Oui. Et il y a d'autres moments aussi. Et on sert, on fait le service. Oui. Vous voyez pas d'autres moments ? Non. Non ? Qu'on va à la radio. Oui. Oui. Et ben voilà, c'est ce que Madame Swartenbrook vient de dire, ça va être de plus en plus développé. Ça tout ce qui est sur l'extérieur, le milieu ordinaire. Ça coûte plus cher. Ah, ça coûte plus cher ou pas, c'est pas sûr, il faut voir. Oui. Mais en tout cas, c'est aussi faire que vos éducateurs, bah, comme ils le font déjà, mais qui continuent à le faire encore plus demain, de vous accompagner, vous, dans d'autres lieux que le lieu de l'IME et... Voilà, travailler plus avec des enseignants, des animateurs, etc., pour qu'ils puissent eux aussi vous, voilà, vous proposer des activités et des temps d'apprentissage. Ça vous plaît, ça? En dehors de l'IME. Hein, d'aller dans le milieu ordinaire. Oui. Bah oui, hein. Bon, bah, c'est bien, c'est l'unanimité. Alors, ma dernière question, c'était comment voyez-vous l'avenir des IME, bah, vous venez déjà d'en parler un voilà. peu. Voilà, on en a parlé. L'avenir des IME, c'est vrai que ça dépend des projets que nous, on peut avoir au niveau de chacun de nos IME, mais ça dépend aussi beaucoup de ce que demandent les pouvoirs publics. Donc, les personnes qui, au niveau national, réfléchissent sur comment accompagner les personnes en situation de handicap, avec une déficience intellectuelle, par exemple. Donc nous, on a des recommandations de la part du ministère de la Santé. Il y a le ministère de l'Éducation nationale qui réfléchit aussi sur comment vous accompagner dans les écoles, etc. Donc nous, on travaille beaucoup par rapport à ce qui nous est demandé au niveau national, au niveau de la France. Et donc l'avenir des IME, aujourd'hui, c'est justement d'aller vers plus d'inclusion en milieu ordinaire, je reprends les termes de tout à l'heure, c'est-à-dire vous permettre à vous de passer plus de temps avec des jeunes de votre âge dans des endroits où eux passent leur temps habituellement. Et que nous, en termes de compétences professionnelles, de connaissances de la manière de vous aider au mieux, nous, on doit aussi vous accompagner dans ces lieux-là pour que les professeurs, les animateurs, etc., se sentent aussi capables de vous accompagner le mieux possible. Comme Zinedine, Christopher, quoi? Vous allez en inclusion quoi au collège? Sport. Alors, est-ce que ça vous plaît, ça? Oui. Ah, c'est merveilleux. Hein. Oui. Il ne faut pas que le professeur soit absent, hein, sinon c'est un drame. Hein? Et Nicolas, toi aussi tu vas en inclusion? Oui, je suis en musique avec Timothée. Voilà, en musique, oui. Et Juliana? Les deux. En sport avec Nathan le mardi. Et le vendredi après-midi avec Timothée en art plastique. Voilà. Oui. Donc ça, ce serait bien de développer. Oui. Hein? Et j'ai... Vous êtes d'accord? Ah, je suis content, je ne suis pas avec toi en sport. Oui. Avec Nathan. Vous voulez ajouter autre chose, madame? Alors, on va repasser une chanson, Marion, et après, on va donner le mot de la fin à madame Swartenbrook. On passe laquelle? Quelle de Christopher. N'importe. Oui. Merci. Avec moi, en mes rêves, en mes rêves. là, oui. Voilà, nous avons deux petits chanteurs là. Zinedine. C'était bien, Zinedine. Bravo, vous et Christopher. Zizou. Bien. Alors, il est 54, hein, il nous reste 5 minutes. Donc, nous allons laisser la parole à Madame Swartenbrooks pour conclure l'émission. Comment elle a vécu l'émission avec nous. J'étais stressée. Ah, c'est ça que tu veux savoir, toi. Okay. Eh bien, on vous laisse la parole. Allez-y. J'étais pas bien. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir participer à l'émission avec vous. J'ai souvent trouvé vos questions amusantes. Donc, voilà, c'était un moment de détente pour moi aujourd'hui. Donc, merci. Je voulais aussi en profiter pour remercier la radio Gémozo, parce que ça fait de nombreuses années que nous sommes partenaires pour ce temps d'animation de radio en direct. Et ça, c'est vraiment formidable de nous offrir cette opportunité pour les jeunes. Et je remercie aussi Corinne Munier, éducatrice spécialisée, qui est très investie dans ce travail depuis longtemps. Et donc, je remercie aussi les animateurs du jour, Nicolas, Christopher, Juliana, Zinedine et Steven. Et j'espère que vous aussi... Et Camille ! Oh, elle n'était pas à côté de moi. Pardon, Camille. Merci, Camille, aussi. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment avec moi. Alors, je n'ai pas parlé pendant 5 minutes. Donc, je vais laisser le soin à Corinne de trouver comment nous allons utiliser ces dernières minutes. Eh bien, écoutez, déjà, nous allons vous remercier d'être venus. Ça fait longtemps qu'on attendait. On a parlé toute l'année. Hein. On espérait. Et c'est vrai que la semaine prochaine, c'est la dernière hein, de la saison, on va dire. Et ce qui est bien cette année, c'est que nous avons quand même reçu beaucoup de monde. Beaucoup de personnes, du personnel de l'IME, mais aussi de l'extérieur. L'enseignante. Donc voilà, c'est quand même des richesses hein, qui sont apportées au cours de l'émission. Oui, Zinedine, tu veux dire quoi ? Oui, c'est 6 mois. 6, t'en as compté 6, toi. Ah, c'est oui. Ça ? Ah oui, mmh. On a 10. Donc, si l'année prochaine, l'émission continue, ce serait bien aussi de continuer dans ce sens-là. Et pourquoi pas inviter des personnes de différentes professions qui puissent vous présenter leur métier, ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là. Ça vous plairait ? Oui. Un jour, il faudra qu'on fasse une émission avec toi. Ah oui, vous aimeriez vous connaître un peu plus. Corinne. Ben voilà, Christopher, il me connaît pas mal. Un enfant qui a 23 ans. 53 ans. Un mari aussi. Pas tout à fait ça. Un chien. Bah toi, vous connaissez pas Corinne. À ta cotine, alors. Oui, mais ce sera une autre émission. C'est pas aujourd'hui, hein, d'accord. La même chien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Je vous aime bien, madame. Winsterbrook. Merci, Juliana. Et est-ce que moi aussi, je t'aime bien. Vous pourriez dire, tiens, chacun à votre tour, le nom de Madame Swartenbrooks, parce que nous avons révisé. Oui, c'est une difficile épreuve, là. Oui. Alors, Zinedine. Oui, c'est moi. Vas-y. Oui, c'est moi. Dis le nom de Madame Swartenbrooks. Juliana l'a déjà dit. Vas-y, à toi. Comme tu peux, Zinedine. Oui. T'es bien, voilà, t'es cool. Bon, t'as essayé, c'est bien. J'ai entendu ce qu'il y avait au milieu. Swartenbrooks. Bien, il y a du mieux. Attends, hein. Madame Swartenbrooks, je pense que je dis bien, j'espère. Vas-y, Nicolas. Swartenbrooks. Swartenbrooks. Ah oui, il y a quand même du mieux. Hein, oui. Quand même, Camille. Vas-y, Camille. Madame Swartenbrooks. Bien. Eh ben, merci pour les efforts que vous fournissez, pour mon nom si compliqué. Si, voilà. une fois, j'étais à Camille un mercredi, j'ai essayé de le dire. J'ai répété et répété. Ah, je me souviens qu'une fois, tu l'as dit parfaitement bien. Et après, j'ai laissé tomber. Ah, généralement, il en manque toujours un petit bout quelque part, mais enfin, je comprends bien que c'est à moi que vous vous adressez quand même. Je veux dire, Swartenbrooks, c'est tout. Alors déjà, on dit Madame Christopher. Voilà, c'est mieux, tu vois. C'est une dame, c'est pas un garçon. Oui, mais on dit madame. C'est une formule, on va dire, de politesse, de respect par rapport à l'adulte. Voilà. C'est une manière de parler. Oui. C'est bon ? Oui. Eh bien, on va conclure, Marion. Et on salue bien tous nos auditeurs. Au revoir. À la semaine prochaine. Pour la dernière émission. Merci encore d'être venu. Et merci Marion, que je n'avais pas cité. Au revoir. C'est la tête. La petite Noé ne veut plus parler. La Mika, oh, ma Mika.